Permettez-moi, au nom de la municipalité, de vous remercier toutes et tous pour votre présence ce matin, ce 11 novembre ayant pour moi un sens encore plus particulier que les autres. Je voudrais vraiment remercier toutes les délégations présentes, pas d'ordre de préséance, mais comme ils sont ainsi organisés, la douane, le centre de secours principal, et on félicite tous les jeunes sapeurs-pompiers qui sont avec eux, évidemment, capitaine, la gendarmerie, le GHM, naturellement mon colonel, l'école militaire de haute montagne, et puis l'harmonie, merci, dans des configurations qui au fil du temps nous font revivre ces commémorations, l'ensemble des délégations, et puis un mot évidemment tout particulier pour les anciens combattants qui sont avec nous, avec leur président, et puis les anciens qui sont derrière, et vous qui êtes à chacune de ces célébrations. Un mot également à l'ensemble de mes collègues du conseil municipal, que j'ai plaisir à voir nombreux, qui nous ont accompagnés toutes ces années sur toutes ces célébrations. Le devoir de mémoire, ce n'est pas qu'un jour par an, c'est permanent sur nos valeurs, cela a été dit par la ministre. Moi, je tiens aussi à le rappeler, à saluer l'engagement de celles et ceux qui, au quotidien, s'engagent pour notre sécurité. Nous aurons plaisir maintenant à vous accueillir, pour celles et ceux qui le souhaitent, pour un verre de l'amitié, en mairie. Merci beaucoup. Ah ben alors, comme il fait beau, vous n'aurez même pas à vous déplacer, ça sera là. Merci en tout cas de rester pour le verre d'amitié. Merci à toutes et à tous.